J'ai raté mon entretien d'embauche, j'ai raté mon permis de conduire, j'ai raté mon rendez-vous amoureux. Mais je suis sûr d'une chose, je ne raterai jamais British Connection, mon émission rock. Jamais. Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios. Salut, c'est Xavier Martin du magazine Longueur d'onde sur British Connection. Je suis là parce que pendant plus d'un an, j'ai rassemblé les témoignages d'une centaine de fans de France, de Suisse, d'Angleterre, de Belgique, des gens qui, comme moi, sont fans depuis très longtemps d'un des plus grands groupes anglais de tous les temps, j'ai nommé The Cure. Alors de là est né un livre qui leur est entièrement consacré dans la collection Paroles de fans dirigée par Faustine Sapa chez l'éditeur Camion Blanc. Alors ces fans anonymes ou artistes passionnés m'ont parlé à cœur ouvert de plein de choses, de leurs titres préférés, des paroles qui les touchaient le plus, de leur admiration pour Robert Smith, Simon Gallup, ou bien encore Lolthorst, ou les autres musiciens qui font ou ont fait partie du groupe à un moment donné. Il y a un chapitre entier qui est consacré, c'est le premier chapitre qui est consacré à leur première fois avec le groupe de Crowley, ce moment particulier où ils rencontrent, ils écoutent pour la première fois les Cure. Ce qui va faire que certains, même beaucoup, vont rentrer à partir de là en religion parce qu'il est vraiment question de culte quand on parle des Cure. Alors, personnellement, cette première fois, pour moi, elle a eu lieu il y a 40 ans, c'était en 81 avec l'album Faith. Donc, naturellement, j'ai choisi comme première illustration un titre de cette époque, même si ce morceau n'était pas sur l'album. Je vous propose d'écouter Charlotte Sometimes. Your self for bed, the light is bright. Generation, c'est l'émission rock qui passe qu'on n'entend pas sur les radios rock, même en 2022. On continue de parler du livre Paroles de fans consacré au Cure. Alors, ce que j'ai appris avec les témoignages, c'est que beaucoup de fans ont découvert The Cure autour des années 1985-1986, à l'occasion de la sortie de l'album The Head on the Door, album qui a déclenché ce qu'on a appelé à l'époque une véritable Cure-mania autour du monde, avec notamment des tournées pharaoniques et des concerts qui sont devenus désormais complètement mythiques, comme celui qui a eu lieu en 86 au Théâtre Antique d'Orange en France. Alors à partir de là et pendant cette période, les Cure passent pas mal à la télé. On les voit notamment dans l'émission Les Enfants du Rock. Et en parlant de cette émission, d'ailleurs pour le livre, j'ai pris contact avec Childéric Muller, qui était journaliste à l'époque et qui a bien voulu répondre à mes questions, parce que Childéric, il a eu un rôle tout à fait particulier. Il a eu la chance de passer 4 ou 5 jours avec le groupe en immersion pour l'émission à Londres. Donc on a parlé et notamment il m'a raconté quelques anecdotes croustillantes comme celle à propos des Bananarama qui étaient super copines avec Robert Smith. Alors en parlant de cette émission des Enfants du Rock, le groupe va même donner un titre qui va servir de générique à cette émission. Ce titre, je vous propose de l'écouter. C'est Just Like Heaven, et qui est sorti ensuite sur l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. British Connection avec vous depuis 1982. You rock! Continue de parler du livre Paroles de fan consacré au Cure chez Camion Blanc. Alors, ce qui m'a vraiment frappé hein, quand je recevais et je lisais les témoignages, hein, tous vraiment très attachants, c'était de voir ce que les fans avaient été capables de faire pour assouvir leur passion vis-à-vis du groupe. Certains ont parcouru le monde, allant jusqu'aux États-Unis ou même en Australie. D'autres collectionnent infatigablement tout ce qui touche au groupe. T-shirts, sweatshirts, casquettes, cartes postales, badges, bootlegs, billets de concert. Il y aurait vraiment pour certains de quoi faire un musée. D'ailleurs, certains y ont pensé, hein, puis j'espère personnellement que ça arrivera un jour, que cette collection elle durera à travers le temps. Et puis, en marge de ça, il y en a évidemment beaucoup qui disent leur admiration pour Robert Smith, ce compositeur, musicien tout à fait hors pair, tout simplement un personnage hors norme, même si, de l'autre côté, tous s'accordent à dire que parfois il faut se méfier de ce qu'il peut raconter, notamment lorsqu'il s'agit de la sortie d'un album qui promet depuis des lustres et qui n'arrive pas. Aussi, pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, choisi comme un clin d'œil à ce Live from the Moon, hein, puisque c'est le nom provisoire du prochain album que tout le monde attend. J'ai donc choisi Maybe Someday, tiré du superbe album Blood Flowers. Salut à tous et à très bientôt. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter British Connection, ici même sur votre radio favorite. Pour vous remercier de votre fidélité, l'émission vous offre encore plus de rock. Cette fille est totalement tarée, comme Nina Hagen. D'ailleurs, elle avait fait un maxi 45 tours avec elle en 86. Don't Kill the Animals, c'est Len Lovitch. Je l'avais même vue avec Nina Hagen en concert au Zénith de Paris à cette même époque. Elle a été, elle fait un multi-job. Elle a dansé dans les cabarets. Elle est bien évidemment chanteuse. Elle a fait des pièces de théâtre. Elle écrit des paroles. Elle a écrit des paroles pour Céron. Et ouais, dans les années 70. Et elle a même été hurleuse dans plusieurs films d'horreur français. Salut, c'est Ramp. Notre nouvel album Black Frame sera l'album de la semaine dans la prochaine session de British Connection avec Philippe. En attendant, nous vous proposons d'écouter le titre Vorace. Chassé par les chiens là. chiens, chassés par les chiens. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le tout nouveau Steph et les Éjectés. L'album s'appelle Sin 88 Volume 2. Je vous rappelle que Steph vous offre son album. Vous laissez vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Tirage au sort à la fin de cette émission. Alors une petite anecdote sur le titre Rocksteady Theme, qui est un espèce de rocksteady instrumental, enfin semi-instrumental, parce qu'il y a quelques textes comme ça, un peu à la Jamaica 60s, à la Prince Buster par exemple. Et c'est une anecdote un peu particulière, un peu personnelle, parce que ce titre en fait c'était le morceau préféré de mon père. J'avais un peu les boules parce que j'ai dû écrire 150 ou 200 chansons et en fait ce qu'il préférait c'était un morceau qui était majoritairement instrumental, mais bon. Il m'a demandé que le titre soit présent lors de son enterrement et tout ça, et qu'il soit joué pour son enterrement, et ce qui a été fait. Et c'est ce qui m'a aussi décidé à mettre ce titre, cet instrumental-là, sur la Sin 88 Volume 2, plutôt qu'un autre comme Gangsta Skanka par exemple. Donc voilà, une anecdote un peu perso et particulière sur Rocksteady Theme. Thank you. British Connection, c'est l'émission rock qui passe qu'on n'entend pas sur les radios rock, même en 2022.